Mais Marie-Laure s'approche en souriant. Mais c'est encore toi, qu'est-ce que tu fais là? Je te dérange? Tu m'agaces, et puis là, c'est bon tranquille. Quoi? C'est un banc public, non? Ce n'est pas à toi, ce banc. Il est à tout le monde, parce que c'est un banc public, un banc public, un banc public. C'est un banc public dans un jardin public. Et le jardin appartient à l'État, et le banc aussi. Donc, ils sont à moi autant qu'à toi. Non! Eh bien, voilà une jeune fille qui va sûrement être avocate, ou au Conseil d'État, et va défendre les intérêts de la société et de l'État. Avocate, moi? Non, toujours debout, crier, faire de grands gestes, c'est fatigant. Le Conseil d'État, bon, le Sénat, peut-être. C'est pas en face de la maison. C'est pratique, pas de métro pour aller au boulot, mais la politique, ça ne m'intéresse pas. C'est encore toi? C'est encore toi? Arrête, tu m'agaces. Arrête. Tu m'agaces. Laisse ce banc tranquille. Laisse ce banc tranquille. Est-ce que Mireille est contente de voir arriver Marie-Laure? Non, pas du tout. Ah ben, il n'est pas à toi, ce banc. Il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi, ce banc. Il est à tout le monde. Il est à tout le monde. C'est un banc public. C'est un banc public. Est-ce que les bancs du Luxembourg sont à Mireille? Ils sont à l'État. Avocate, oh non, toujours debout, crier, faire de grands gestes, c'est fatigant. Avocate, oh non. Avocate, non. Toujours debout, c'est fatigant. Toujours debout, c'est fatigant. Pourquoi Marie-Laure ne veut-elle pas être avocate? Parce que c'est fatigant. La politique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. La politique, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que Marie-Laure aime la politique? Non, ça ne m'intéresse pas.